il va falloir y croire, ouais. Se donner les moyens de réussir dans le Far West, où les médisants sont fréquents comme les cactus, et les illusions nombreuses comme miser sur un bac plus. Joue des projets mais la flemme les avortèrent. Pas propre frère, avant de gagner il faut savoir perdre. Savoir perdre. Non, tout n'est pas si moche, faut juste y croire, donner le maximum. DAF de K, nous on sait ce qu'on dit. Nous on sait ce qu'on dit. On ne parle plus de déception, on parle plus de déception. Mais des faits secondaires, mais des faits secondaires. J'ai pas de housse, mon seul piston est dans un deux roues. Aucune de secours, alors gare à la feuille de route. De cas au match, je réussirai comme Bernard Madoff. Mais le moment de béton, moi je laisserai ça à d'autres. DAF de K, nous on sait ce qu'on dit. Nous on sait ce qu'on dit. On ne parle plus de déception, on parle plus de déception. Mais des faits secondaires, mais des faits secondaires. C'est ma vie que je lis. Y'a des passages qui auraient pu être plaisants, c'est ça que je me dis. Je remets la faute sur personne d'autre que moi, elle dit que je maudis. Chacun de tes actes a six répercussions, toujours on me l'a dit. On ne retourne pas en arrière, le passé peut pas se refaire. Un simple bouton ne suffit pas à effacer ces galères. Y'aura toujours quelque chose pour te les rappeler, tu peux rien y faire. Pas d'erreur, mais certaines erreurs peuvent laisser un goût amer. Des regrets, je crame la bannière et de l'espoir, je brandis l'étendard. Je veux obtenir ce que j'ai toujours voulu sans qu'il soit trop tard. Je ne laisse plus le place au hasard, fini de jouer à Cola Maga. Les horoscopes et les boules de cristal, je suis pas prêt d'y croire. J'ai déjà remporté des victoires contre moi-même, je me suis battu. Pensant que j'aurais du mal à me changer et que ce serait peine perdue. On doutait à mon égard, différents étaient les points de vue. Sauf que dans une fausse direction, je dirigeais ma longue vue. DAF de K, nous on sait ce qu'on dit. Nous on sait ce qu'on dit. On parle d'une déception. On parle d'une déception. Mais des faits secondaires. Mais des faits secondaires.